Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Le Christ est ressuscité. Chers amis, nous consacrons notre émission d'aujourd'hui, comme la suivante d'ailleurs, à une réflexion sur la résurrection, cet événement que nous avons fêté voici 3 semaines et qui constitue tous les ans le sommet de l'année liturgique. Mais, au-delà des faits historiques qui ont eu lieu à Jérusalem il y a presque 2000 ans, quel est le sens profond de la résurrection de Jésus-Christ et sa portée pour l'homme du XXIe siècle? C'est avec Bertrand Vergely que nous essaierons d'approfondir cette question aujourd'hui, professeur de philosophie en Cagne, enseignant à l'Institut des sciences politiques de Paris et à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Bertrand Vergely, qu'est-ce que c'est la résurrection en fait? Est-ce une réalité, un prodige? Je crois qu'il faut se remettre dans le contexte de l'homme d'aujourd'hui. Quand on parle de résurrection à l'homme d'aujourd'hui, il nous regarde stupéfait. Il a l'impression que on le prend pour un demeuré, qu'il est au music hall. C'est au music hall où tout d'un coup on raconte qu'on peut faire disparaître quelqu'un, le faire réapparaître, le couper en deux et puis ensuite recoller les morceaux. L'idée de l'homme d'aujourd'hui, c'est que s'il y a bien quelque chose qui est réel dans le monde, c'est la mort. Ainsi, le philosophe Michel Onfray nous dit « La seule chose de certaine au monde, c'est la mort. Personne n'en est jamais revenu et ne croyons pas que nous allons ressusciter. » Alors, je crois que s'il dit cela, c'est qu'effectivement, tout le monde ne naît pas. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à terme, mais c'est vrai que tout le monde meurt. Et c'est vrai que quelque part, l'idée que l'on a, c'est que la vie va se dissoudre dans le néant et que l'homme n'est finalement rien. La vision de l'homme d'aujourd'hui, c'est que l'homme est un accident de la nature et qu'il va se dissoudre dans le néant. Alors, il me semble important, ceci rappeler, de montrer que la résurrection a beaucoup plus de réalité qu'on ne le croit. Et quand les chrétiens parlent de résurrection et qu'ils fêtent la résurrection, ils ne vivent pas du tout hors réalité et les ressuscités ne sont pas des fantômes, des revenants, des morts vivants. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler la résurrection? Bien, la résurrection, c'est effectivement le fait de renaître. Et le fait de renaître, je crois que c'est un fait qui est très présent dans la vie de tous les jours. Nous assistons dans la nature, dans la vie, dans l'humanité, dans l'histoire, dans les religions, dans les philosophies, à une présence constante de la résurrection. Prenons d'abord la nature. La nature nous montre quoi ? Chaque année, le printemps revient. Chaque année, tout refleurit. Et le retour périodique du printemps est un signe de vie. S'il n'y avait pas un retour de la nature et un renouvellement de celle-ci, eh bien, le monde ne pourrait pas vivre. Donc je dirais que, qu'est-ce qui fait que les chrétiens croient dans la résurrection ? C'est tout simplement d'abord le fait qu'ils croient dans le printemps, dans le renouvellement de toutes choses, et beaucoup de choses se renouvellent autour de nous. Au cœur de l'hiver, nous pensons que rien ne pourra pousser de la terre aride et froide, et que voyons-nous ? Au printemps, tout d'un coup, tout se couvre de fleurs et de chants d'oiseaux. Alors, je crois que nous apercevons ici une belle définition de la notion de résurrection, celle-ci est liée au printemps, mais pas simplement. Nous trouvons la résurrection dans la vie et il nous est arrivé à plusieurs reprises d'être ressuscité ou de ressusciter. Au niveau médical, il y a des gens qui sont au bord de la mort, dont on pense qu'ils ne reviendront pas de là où ils sont, et nous voyons, grâce aux prodiges de la médecine, des gens revenir à la vie. Nous voyons également, au niveau psychologique, beaucoup de personnes qui, dès qu'elles sont aimées, entourées par l'amitié, l'affection, la sollicitude, la solidarité, les gens tout d'un coup, reprennent des forces et on parle d'eux comme de véritables ressuscités. Alors, je crois qu'il y a ici quelque chose de vivant également. Non seulement la nature est capable de ressusciter, mais il nous arrive de pouvoir pratiquer des résurrections. Alors, je crois que on voit ceci apparaître en morale. Et là, la notion de résurrection est encore plus flagrante. Soit dit au passage, vous voyez, plus on progresse dans la vie morale et spirituelle, plus la notion de résurrection devient patente et réelle. Prenons la vie humaine. Nous apercevons dans la vie humaine que, à la base de cette vie, il y a la notion d'âme, c'est-à-dire le principe d'animation de l'homme qui prend ses racines dans son désir de vivre, sa volonté la plus profonde. Nous apercevons que l'homme n'est pas simplement un corps qui est fabriqué par la nature, il est une liberté qui se construit. Et nous apercevons que dans cette liberté qui se construit, la parole, le message que l'on met dans la volonté, dans le désir, est quelque chose d'absolument capital. Et en particulier, nous apercevons qu'il y a une nécessité de distinguer la fatalité de la foi. Ma vie n'est pas la même, je ne suis pas le même, selon que ma vision du monde est pessimiste, fataliste, résignée, désespérée, révoltée, et selon que ma vie est au contraire gouvernée par la foi. Je m'aperçois que si je pars battu, eh bien la mort que j'ai dans mon âme, je la fabrique dans la vie. Je pratique à ce moment-là ce qu'on pourrait appeler des prophéties autoréalisatrices. À force de faire vivre le mal et le désespoir, je rencontre le mal et le désespoir. À force de faire vivre la mort, je rencontre la mort. C'est-à-dire que la mort dépend de moi, je peux la faire venir. Et ici, la parole est capitale, la pensée est capitale, le cœur est quelque chose de capital. Si à l'inverse, je suis un homme plein de foi, qui ne désespère pas, qui ne se révolte pas, qui ne se résigne pas, la vie que je possède en moi, je fais la faire venir autour de moi. Je m'aperçois donc que dans la vie morale, la notion de résurrection est capitale. Je peux faire l'expérience morale de la résurrection et de la mort. Je peux devenir un homme de mort, un prophète de mort, ou je peux devenir un homme de vie et un prophète de vie, selon que j'ai la foi ou pas. C'est-à-dire que dans l'ordre de l'action humaine, nous apercevons que la foi de l'homme, c'est la même chose que la résurrection. Avoir la foi, c'est être un ressuscité. Et ressusciter, c'est avoir la foi. Et ici, c'est particulièrement important parce que cela peut aller très loin. L'homme a une action, non simplement sur lui-même, mais sur les autres. Il a une action sur l'univers. Il peut, par ses pensées, par sa foi qui inspire ses œuvres, propager la vie, ou bien alors, il peut propager la mort. Nous voyons des politiques qui, partis du désespoir, de la haine et de la révolte, propagent la mort dans les sociétés, dans l'humanité, et même détruisent la nature. Et il y a des politiques qui, à l'inverse, préservent l'homme, préservent l'environnement et propagent la vie. Alors, je crois que vous voyez, la première réalité qui apparaît, c'est que la notion de résurrection, elle est capitale. Et pour donner une signification globale à cette notion de résurrection, je crois que il est indispensable de la relier à la notion de retour. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de la résurrection ? c'est l'esprit disant que il y a une possibilité de retour. C'est le contraire de la fatalité, de l'irréversible, de l'irrémédiable, de l'irréparable, de l'irrévocable. Lorsqu'on est dans un monde qui est le monde du sans-retour, on est dans un monde implacable. Et ce qui est beau dans l'esprit de la résurrection, c'est que il y a un retour possible. Il y a une grâce possible. Rien n'est irréversible, rien n'est irréparable, rien n'est irrévocable, rien n'est irrémédiable. Et donc, il y a là une puissance de vie, d'espérance absolument prodigieuse. Et c'est la raison pour laquelle les grandes philosophies et les grandes religions ont toutes été porteuses d'un message de retour que l'on pourrait qualifier dans notre langage chrétien, un langage de grâce. Un monde dans lequel le retour existe, eh bien, c'est un monde dans lequel la grâce existe, tandis que lorsque la grâce n'existe pas, il n'y a aucun retour possible, tout est définitivement perdu. Alors, si on prend cette notion de retour, je m'aperçois que elle est inscrite dans la plus profonde mémoire de l'humanité et elle est au cœur du judaïsme dont nous savons combien il a été le berceau du Christ. Par exemple, si nous prenons l'expérience du sacré décrite par l'historien des religions Mircea Eliade, celui-ci nous dit que l'âme du monde sacré, dit primitif, se construit à travers la notion d'éternel retour. La première chose que font les hommes, c'est de construire le temps. Et construire le temps veut dire conjurer le caractère irréversible du temps pour substituer à ce temps profane le temps sacré, le temps cyclique, le temps de la fête, le temps du retour périodique qui permet quoi ? Qui permet la stabilité et qui permet la profondeur. Pourquoi est-il important de rentrer dans le temps cyclique que nous vivons dans notre cycle liturgique ? Parce que le temps cyclique lié à la répétition et au retour va permettre de construire la profondeur de l'esprit et l'intelligence de la vie. Le propre de la profondeur, c'est de voir les choses avec les yeux de l'éternité, de se rendre compte que lorsque l'homme vit quelque chose, il le vit de toute éternité. De toute éternité, il y a quelque chose qui veut la vie. De toute éternité, le désir de vie et l'appel de l'homme à la vie a été vrai et sera vrai. Et lorsque je me construis dans un temps qui est un temps cyclique, mon intelligence arrive à la profondeur des choses et à la vérité. Donc, nous voyons ici un réflexe important qui est d'éterniser les choses pour leur donner toute leur valeur. Vous voyez bien que si à un moment j'aperçois les choses en me rendant compte qu'elles viennent de loin, qu'elles vont loin, qu'elles sont porteuses de choses immenses, mon attention se crée, se construit, et à partir de là, la culture, l'organisation humaine est possible. C'est-à-dire que pour que nous puissions nous relier au monde autour de nous, il nous faut passer par l'éternité, laquelle se met en, je dirais qu'elle se met en forme grâce à la résurrection et au retour créateur. Alors ce que nous voyons là est au cœur du judaïsme. Nous voyons que la grande nouvelle de la résurrection commence dans le judaïsme lui-même où il va y avoir, alors ici, on pourrait dire, le clou de la résurrection. Quel est le clou de la résurrection ? Ce n'est pas que le printemps existe. Ce n'est pas que la médecine puisse redonner de la santé. Ce n'est pas même que la foi existe. C'est que, un jour, les hommes pourront revenir sur la mort et ils pourront revenir sur le corps mortel qui est le leur, c'est-à-dire un jour ils pourront vivre ce qu'ils désirent vivre dans le plus profond d'eux-mêmes, premièrement la joie éternelle, et la joie éternelle dans un homme réellement vivant avec un corps vivant. Alors, je crois que nous voyons que toute la question du judaïsme, c'est la question du messianisme. Et le Messie, c'est celui qui va réparer le péché d'Adam et va restaurer l'humanité sur son trône et créer un monde où les hommes pourront vivre ce qu'ils souhaitent vivre, c'est-à-dire cette vie si douce que nous aimons et que nous sentons dans notre corps, nous aimerions pouvoir la vivre éternellement. Donc ça, c'est tout le sens de ce qu'on appelle la rédemption, le retour, et qui est dans le judaïsme qu'on appelle la Shekina. Alors les grands talmudistes disent que la notion de retour est capitale dans le judaïsme. Tout le judaïsme est fondé sur la notion de retour. Les gens se saluaient en disant l'an prochain à Jérusalem, n'est-ce pas, durant l'histoire, au moment où il y a eu la diaspora, et ils voulaient toujours revenir à la terre promise. Alors, je crois que ça me paraît important d'apercevoir ici donc que l'idée de résurrection du Christ, elle est inscrite au plus profond de la mémoire du judaïsme et de la mémoire également du monde sacré, mais elle est également présente dans les philosophies païennes ou la philosophie moderne. Les stoïciens ont fondé toute leur perception de la réalité et de leur philosophie sur l'éternel retour. Que dit Marc Aurèle dans l'une de ses pensées? Marc Aurèle nous dit « La nature est un éternel processus de transformation qui compose, décompose et recompose les corps. » Et donc, il disait « Ne te soucie pas de ton devenir. » Pourquoi? Parce qu'à ta mort, ton corps va se dissoudre dans l'univers. Mais l'univers qui est en perpétuelle transformation va, un jour, après des milliards et des milliards de recompositions, il va recomposer ton corps et tu reviendras sous une autre forme. Donc, ici, il y a une perception rationnelle de la résurrection à partir tout simplement, eh bien, d'une étude statistique sur les milliards de combinaisons possibles de nos atomes dans l'univers. Cette philosophie de l'éternel retour, très curieusement, nous la voyons apparaître dans la modernité, par exemple avec un chimiste, Lavoisier, qui dit quoi? Qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La philosophie de la transformation universelle porte potentiellement en elle l'esprit de la résurrection. Regardons une philosophie comme le marxisme et l'analyse que Engels donne du mouvement de l'histoire. Nous sommes là encore dans un schème résurrectionnel. Au commencement était le communisme primitif, nous dit Engels, dans l'origine de la famille, de la propriété et de l'État. Puis vient la catastrophe, le moment où le monde rentre dans la propriété, l'appropriation, et se divise, mais il y aura restauration de l'humanité à travers le communisme. Nous pouvons dire donc que l'esprit du socialisme si important dans la philosophie moderne et dans la politique moderne est un esprit porté par un esprit de résurrection, restaurer l'humanité dans la plénitude de ses possibilités. Nous voyons, au niveau de l'expérience individuelle, Proust faire l'expérience de la mémoire, analysée par Bergson, et passer du temps perdu au temps retrouvé. Le temps retrouvé qui nous permet de ressusciter les sensations anciennes en montrant qu'il existe quelque chose de permanent conservant l'homme, se manifeste à travers la mémoire. La mémoire porte en elle la possibilité de la résurrection. Et puis, nous voyons quoi? Nous voyons un penseur comme Nietzsche parler de l'éternel retour. Voilà une belle contradiction. Nietzsche, qui est le penseur du tragique par excellence. Nietzsche, qui se veut le matérialiste, nous disant que nous allons périr dans le néant et nous dissoudre dans le cosmos. Nietzsche, en même temps, est le penseur du l'éternel retour. Oui, le penseur qui célèbre celui qui périt est en même temps celui qui fait l'éloge de Dionysos, le dieu qui, lorsque il est ivre avec les Ménades, est lacéré par elles, mais ressuscite. Nietzsche est le penseur de l'éternel retour. En voyant quoi? En voyant dans l'éternel retour l'affirmation même de la vie. Toute vie veut se répéter. Toute vie veut ressusciter et l'éternel retour est l'essence même de l'affirmation. Alors, comment est-il possible de combiner le sens tragique et l'éternel retour? Nous voyons cette contradiction chez Nietzsche, qui est la contradiction du monde moderne, c'est-à-dire le monde moderne aspire à l'affirmation de la vie, et en même temps, il aime pouvoir avoir la lucidité du tragique. Et il pense que le sens de l'irréversible qui nous donne le tragique rend d'autant plus, je dirais, tonique l'affirmation de la vie. Enfin, si nous faisons, vous voyez, ce tour d'horizon à propos de la résurrection, que voyons-nous? Nous voyons, et nous pouvons dire à tous ceux qui doutent de la résurrection, que, en fait, l'idée de résurrection est beaucoup plus réelle qu'on ne le pense, et tout être humain se construit à partir de l'idée que, un jour, les choses reviendront, que tout revient toujours. Je dirais que tout être humain se construit à partir d'un printemps, et que d'une manière ou d'une autre, il aime participer à un printemps. Alors, on pourrait simplement dire, est-ce que la résurrection est la nostalgie? Est-ce qu'elle est un effet de la nostalgie? Non. La nostalgie, c'est l'individu qui ne fait rien et qui n'agit pas, et qui voudrait qu'en n'agissant pas, les choses reviennent quand même. L'esprit de la résurrection est au plus près de tous les individus vivants. Tout individu vivant participe déjà de fait à la résurrection. Je dirais, nous avons tous pratiqué, vécu des résurrections. Bertrand Verjollet, juste pour terminer cette conversation, je rappelle que cette première émission sur le thème de la résurrection porte sur l'idée en général de la résurrection, et puis dans un deuxième temps, dans 15 jours, vous allez nous proposer la résurrection et le Christ, oui, ce qui est propre à notre foi donc. Mais juste une petite question de ce que vous venez de dire. La notion de corps là-dedans, la notion de la matière, est-ce que dans cette attente de printemps, comme vous dites, de renaissance, est-ce que il y a déjà la notion de l'attente d'une résurrection du corps, de la matière, ou c'est quelque chose qui va séparer, détacher le christianisme totalement du reste des philosophies ou des autres religions? Je crois que, si vous voulez, il y a deux choses. Premièrement, la matière elle-même apparaît sur le mode de la résurrection. Pourquoi? Parce que la matière, la structure de la matière renvoie à la structure de l'énergie et de la lumière, telle que l'étudie la physique quantique, et l'on voit quoi? Que celle-ci est une émission discontinue de lumière, qui montre quoi? Que l'énergie ne cesse de se répéter. L'énergie ne cesse de recommencer, à chaque fois de manière unique. Donc la structure de l'éternel retour, vue par Nietzsche, correspond très bien à la structure même de la matière, qui renvoie à la structure même de la lumière, émission discontinue d'énergie, signifiant quoi? Création permanente. C'est-à-dire, chaque moment est neuf. Rien n'est fondu dans le tout. Dans la lumière, tout est neuf. Voilà ce que décrit la physique quantique. Voilà une belle idée, une belle métaphore de l'énergie résurrectionnelle. Nous pouvons dire que ici, l'énergie divine est présente au cœur même de la matière. Alors, justement, c'est là où nous voyons que ce que l'Église, le Christ nous apprenne, est totalement en accord avec la réalité et les découvertes scientifiques. C'est-à-dire, le fond du message chrétien est une confiance immense dans la vie et un sens inouï de la résurrection. Et nous apercevons que, voyez, la lumière de la résurrection se trouve déjà au fond de la matière. Ceci veut dire quoi ? Ceci veut dire que si nous-mêmes nous rentrons dans la lumière, si nous sommes capables de faire vivre notre corps de lumière et notre lumière intérieure, alors l'idée que nous allons revenir, l'idée que nous n'allons pas mourir, est quelque chose qui devient à un moment plus que plausible, ça devient passionnant. Ben écoutez, c'est ce que nous allons voir dans 15 jours. C'était donc la première partie de cet entretien sur la résurrection et son sens. Avant de terminer, quelques annonces. D'abord pour dire aux très nombreux auditeurs qui nous écrivent que nous n'avons pas la possibilité d'envoyer de copies de nos émissions. Donc il faut essayer de faire avec la possibilité quand même très importante qui est offerte par le site de France Culture, c'est-à-dire de réécouter cette émission pendant 15 jours après sa diffusion. Puis évidemment, ce qui concerne Bertrand Verjoli en particulier, d'abord il y a ses ouvrages. On a dit la dernière fois qu'il y avait le silence de Dieu, puis la souffrance et puis d'autres évidemment. Je prends ce qui est plus proche de ce que nous avons traité ensemble. Rappelez également que vous donnez des conférences régulièrement le mercredi de 16h30 à 18h à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Ça va continuer cette année jusqu'à la fin du mois de mai. Et que donc, pour pouvoir s'y rendre et pour les informations, il faut contacter le secrétariat de l'Institut au 01 42 01 96 10. Puis, deux annonces également concernant l'Institut Saint-Serge, deux sessions à venir, le 12 et le 13 mai, une session sur la théologie canonique par le père Grégorios Papathomas, puis le 19 et le 20 mai, l'accompagnement des mourants par le père diacre Dominique Boffis, qui est également médecin. Alors pour tout ceci, les informations auprès du secrétariat de Saint-Serge. C'était donc le sens de la résurrection, première émission avec Bertrand Verjoli sur l'idée de la résurrection. Une deuxième émission, le Christ et la résurrection, ce sera le dimanche 13 mai. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Tanguy Lecorneau. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris CEDEC 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.